Se lever en allemand se dit Aufstehen. Oui, aufstehen, c'est se lever. Comment diriez-vous au conditionnel « je me serais levé plus tôt » ? Lever ici se dit Aufgestanden. Bien. Donc, on plonge dans le passé avec aufgestanden, du verbe aufstehen. Et de quel plongeoir va-t-on avoir besoin ? Sein. Sein, c'est ça. Et donc, comment dit-on « je me suis levé » ? Ich bin aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Tout à fait. Donc, comment diriez-vous, toujours au conditionnel, « je me serais levé plus tôt » ? Ich? Ich wäre früh aufgestanden. Früh, c'est tôt. Donc, plus tôt se dit früher. Früher. Alors, encore une fois, « je me serais levé plus tôt ». Ich wäre früher aufgestanden. Ich wäre früher aufgestanden. Se coucher, s'allonger, se dit sich hinlegen. Sich hinlegen. Comment diriez-vous je me couche? Ich lege hin. En effet, on insiste sur la particule hin, qui est donc suffisamment forte pour se détacher du verbe. Mais le verbe est sich hinlegen. Se coucher. Donc, je me couche, ça donnera Ich lege mich hin. Ich lege mich hin. Je me couche. Sich hinlegen, c'est se coucher, s'allonger. Legen, L-E-G-E-N. Legen, c'est coucher, étendre ou poser quelque chose horizontalement. Comment diriez-vous poser cela là? Poser cela horizontalement. Legen Sie es? Legen Sie es? Là, attention, il y a un mouvement? Dorthin. Bien. Legen Sie es dorthin. Pour dire poser, poser quelque chose, en allemand, il vous faut choisir entre trois verbes, suivant la position dans laquelle vous mettez l'objet en question. Si vous posez l'objet en position horizontale, donc si vous le couchez, comme c'était le cas de l'exemple que nous venons de voir, il faut employer legen. Mais pour un objet posé verticalement, on emploiera stellen. En allemand, être debout se dit stehen. Mais mettre, poser debout, c'est stellen. Donc, comment diriez-vous poser cela là? Poser cela verticalement. Stellen Sie es dorthin. Stellen Sie es dorthin. Et je suis debout? Ich stehe. Ich stehe. Et je mets, je pose. Die Flasche, c'est la bouteille. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. Tisch, c'est la table. Tisch. Je pose la bouteille sur la table, c'est-à-dire qu'elle est placée debout, en position verticale. Et que diriez-vous si vous posiez un objet en position horizontale? Par exemple, le journal. Die Zeitung. Comment diriez-vous « je pose le journal » ? Là, c'est le verbe « legen » que vous allez employer. Donc, Ich lege die Zeitung. Très bien. Ich lege die Zeitung. Je pose le journal. Ich lege die Zeitung auf den Tisch. Sur la table. Là, le journal est posé à plat sur la table. De même, si je dis « Ich lege das Buch auf den Tisch », je mets le livre sur la table, j'indique que je pose le livre à plat sur la table. Et « es liegt », il repose à plat, en position horizontale. « Es liegt auf dem Tisch ». Il, le livre, est sur la table, à plat. Le troisième verbe pour traduire « poser » est « setzen ». On l'emploie si l'objet en question ou en l'occurrence la personne, se retrouve assis. Setzen, c'est donc poser en position assise. Asseoir. Comment diriez-vous « asseyez-le là-bas » ? Setzen Sie es dorthin. Très bien. Setzen Sie es dorthin. Asseyez-le là-bas. Ich setze es, c'est « je l'assois, j'assois cela ». Ich setze es auf den Tisch. Je l'assois sur la table. Sitzen, c'est être assis. Donc, ich sitze hier, je suis assis ici. Comment diriez-vous nous sommes assis ici? Wir sitzen hier. Très bien. Wir sitzen hier. Nous sommes assis ici. Mais je m'assois se dira ich setze mich. Ich setze mich hin. Avec hin qui renforce l'idée d'un mouvement. Vous pouvez ainsi dire à quelqu'un setzen Sie sich ou setzen Sie sich bitte hin. Asseyez-vous. Pour inviter quelqu'un à s'asseoir près de vous, vous pouvez dire setzen Sie sich bitte hierher. Hierher. Hier, c'est ici, et her indique le mouvement. Donc, on a hierher, qui signifie ici, vers ici. Setzen Sie sich bitte hierher. C'est donc asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez dire simplement asseyez-vous, s'il vous plaît, vous direz setzen Sie sich bitte hin. Mais pour asseyez-vous ici, s'il vous plaît, il faudra employer setzen Sie sich bitte hierher. Hierher, ici, ou setzen Sie sich bitte dorthin, ou dorthin indique un mouvement vers un lieu plus éloigné. Là-bas, vers là-bas, dorthin. Quant à setzen Sie sich, c'est asseyez-vous. On peut aussi dire nehmen Sie Platz, prenez place. Bitte, nehmen Sie Platz. Reprenons. Je me suis assis. Se dira ich. Ich setze mich. Là, vous dites je m'assois. Comment diriez-vous je me suis assis? En allemand, littéralement, je m'ai assis. Ich habe. Ich habe. Ich habe mich. Oui. Ich habe mich. Gesetzt. Bien. Ich habe mich gesetzt. Ou plutôt, ich habe mich hingesetzt. Je me suis assis. Et si vous voulez dire je me suis allongé, que diriez-vous? Ich habe mich hingelegt. Hingelegt. Le verbe s'allonger, s'étendre se dit sich hinlegen. Donc ça donne ich habe mich hingelegt. Ich habe mich hingelegt. Oui,